Chapitre 4. Je vous aime, répéta Cléopâtre, en faisant tourner entre ses doigts frêles et blancs le morceau de papyrus roulé à la façon des cithales. Voilà le mot que je demandais. Quelle âme intelligente, quel génie caché a donc si bien compris mon désir? Et tout à fait réveillée de sa langoureuse torpeur, elle sauta bas de son lit avec l'agilité d'une chatte qui flaire une souris, mit ses petits pieds d'ivoire dans ses tas de baies brodées, jeta une tunique de byssus sur ses épaules et courut à la fenêtre par laquelle Charmion regardait toujours. La nuit était claire et sereine. La lune, déjà levée, dessinait avec de grands angles d'ombre et de lumière les masses architecturales du palais, détachées en vigueur sur un fond de bleuâtre transparence, et glaçait de moire d'argent l'eau du fleuve où son reflet s'allongeait en colonnes étincelantes. Un léger souffle de brise, qu'on eût pris pour la respiration des sphinx endormis, faisait palpiter les roseaux et frissonner les clochettes d'azur des lotus. Les câbles des embarcations, amarrés au bord du Nil, gémissaient faiblement, et le flot se plaignait sur son rivage comme une colombe sans ramier. Un vague parfum de végétation, plus doux que celui des aromates qui brûlent dans l'anchyre des prêtres d'Anubis, arrivait jusque dans la chambre. C'était une de ces nuits enchantées de l'Orient, plus splendide que nos plus beaux jours, car notre soleil ne vaut pas cette lune. « Ne vois-tu pas, là-bas, vers le milieu du fleuve, une tête d'homme qui nage ? Tiens, il traverse maintenant la traînée de lumière et va se perdre dans l'ombre. On ne peut plus le distinguer. » Et s'appuyant sur l'épaule de Charmion, elle sortait à demi son beau corps de la fenêtre pour tâcher de retrouver la trace du mystérieux nageur. Mais un bois d'acacia du Nil, de Doum et de Sayal, jetait à cet endroit son ombre sur la rivière et protégeait la fuite de l'audacieux. Si Meyamoun eût eu le bon esprit de se retourner, il aurait aperçu Cléopâtre, la reine sidérale, le cherchant avidement des yeux à travers la nuit, lui pauvre égyptien obscur, misérable chasseur de lions. Charmion, Charmion, fais venir Freypefbourg, le chef des rameurs, et qu'on lance sans retard deux barques à la poursuite de cet homme, dit Cléopâtre, dont la curiosité était excitée au plus haut degré. Freypefbourg parut. C'était un homme de la race Nahasi, aux mains larges, aux bras musculeux, coiffé d'un bonnet de couleur rouge assez semblable au casque phrygien, et vêtu d'un caleçon étroit, rayé diagonalement de blanc et de bleu. Son buste, entièrement nu, reluisait à la clarté de la lampe, noir et poli comme un globe de jais. Il prit les ordres de la reine et se retira sur le champ pour les exécuter. Deux barques longues, étroites, si légères que le moindre oubli d'équilibre les eût fait chavirer, fendirent bientôt l'eau du Nil en sifflant sous l'effort de 20 rameurs vigoureux. Mais la recherche fut inutile. Après avoir battu la rivière en tous sens, après avoir fouillé la moindre touffe de roseaux, Freypefbourg revint au palais sans autre résultat que d'avoir fait envoler quelques hérons endormis debout sur une patte, ou troubler quelques crocodiles dans sa digestion. Cléopâtre éprouva un dépit si vif de cette contrariété qu'elle eut une forte envie de condamner Freypefbourg à la meule ou aux bêtes. Heureusement, Charmion intercéda pour le malheureux tout tremblant qui pâlissait de frayeur sous sa peau noire. C'était la seule fois de sa vie qu'un de ses désirs n'avait pas été aussitôt accompli que formé. Aussi éprouvait-elle une surprise inquiète, comme un premier doute sur sa toute-puissance. Elle, Cléopâtre, femme et sœur de Ptolémée, proclamée déesse et vergette, reine vivante des régions d'en bas et d'en haut, œil de lumière préférée du soleil, comme on peut le voir dans les cartouches sculptées sur les murailles des temples, rencontrer un obstacle, vouloir une chose qui ne s'est pas faite, avoir parlé et n'avoir pas été obéie, autant vaudrait être la femme de quelque pauvre parachite inciseur de cadavres et faire fondre du natron dans une chaudière. C'est monstrueux, c'est exorbitant, et il faut être en vérité une reine très douce et très clémente pour ne pas faire mettre en croix ce misérable Freypefbourg. Vous vouliez une aventure, quelque chose d'étrange et d'inattendu? vous êtes servi à souhait. Vous voyez que votre royaume n'est pas si mort que vous le prétendiez. Ce n'est pas le bras de pierre d'une statue qui a lancé cette flèche. Ce n'est pas du cœur d'une momie que viennent ces trois mots qui vous ont ému. Vous qui voyez avec un sourire sur les lèvres vos esclaves empoisonnés battre du talon et de la tête dans les convulsions de l'agonie, vos beaux pavés de mosaïque et de porphyre. Vous qui applaudissez le tigre lorsqu'il a bravement enfoncé son mufle dans le flanc du gladiateur vaincu. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Des chars d'argent étoilés d'émeraudes, des quadriges de griffons, des tuniques de pourpre teintes trois fois, des miroirs d'acier fondu entourés de pierres précieuses, si clair que vous vous y verrez aussi belle que vous l'êtes. Des robes venues du pays de Séric, si fines, si déliées, qu'elles passeraient par l'anneau de votre petit doigt. Des perles d'un orient parfait, des coupes de lisipe ou de miron, des perroquets de l'Inde qui parlent comme des poètes. Vous obtiendrez tout, quand même vous demanderiez le ceste de Vénus ou le pchent d'Isis. Mais en vérité, vous n'aurez pas ce soir l'homme qui a lancé cette flèche qui tremble encore dans le bois de cèdre de votre lit. Les esclaves qui vous habilleront demain n'auront pas beau jeu. Elles ne risquent rien d'avoir la main légère. Les épingles d'or de la toilette pourraient bien avoir pour pelote la gorge de la friseuse maladroite, et les pileuses risquent fort de se faire pendre au plafond par les pieds. Qui peut avoir eu l'audace de lancer cette déclaration emmanchée dans une flèche? Est-ce le monarque Amun-Ra qui se croit plus beau que l'Apollon des Grecs? Qu'en penses-tu, Charmion? Ou bien Chiapsiro, le commandant de l'Hermotibie, si fier de ses combats au pays de Kouch? Ne serait-ce pas plutôt le jeune Sextus, ce débauché romain qui met du rouge, grasseille en parlant et porte des manches à la persique? Reine, ce n'est aucun de ceux-là. Quoique vous soyez la plus belle du monde, ces gens-là vous flattent et ne vous aiment pas. Le monarque Amun-Ra s'est choisi une idole à qui il sera toujours fidèle, et c'est sa propre personne. Le guerrier Chiapsiro ne pense qu'à raconter ses batailles. Quant à Sextus, il est si sérieusement occupé de la composition d'un nouveau cosmétique qu'il ne peut songer à rien autre chose. D'ailleurs, il a reçu des surtouts de la Conie, des tuniques jaunes brochées d'or et des enfants asiatiques qu'il absorbe tout entier. Aucun de ces beaux seigneurs ne risquerait son coup dans une entreprise si hardie et si périlleuse. Il ne vous aime pas assez pour cela. Vous disiez hier dans votre cange que les yeux éblouis n'osaient s'élever jusqu'à vous, que l'on ne savait que pâlir et tomber à vos pieds en demandant grâce, et qu'il ne vous restait d'autre ressource que d'aller réveiller dans son cercueil doré quelques vieux pharaons parfumés au bitume. Il y a maintenant un cœur ardent et jeune qui vous aime. Qu'en ferez-vous? Cette nuit-là, Cléopâtre eut de la peine à s'endormir. Elle se retourna dans son lit. Elle appela longtemps en vain Morphée, frère de la mort. Elle répéta plusieurs fois qu'elle était la plus malheureuse des reines, que l'on prenait à tâche de la contrarier, que la vie lui était insupportable. Grande doléance qui touchait assez peu Charmion, quoiqu'elle fît mine d'y compatir. Laissons un peu Cléopâtre chercher le sommeil qui la fuit et promener ses conjectures sur tous les grands de la cour. Revenons à Meyamoun. Plus adroit que Frey Pefbourg, le chef des rameurs, nous parviendrons bien à le trouver. Effrayé de sa propre hardiesse, Meyamoun s'était jeté dans le Nil et avait gagné à la nage le petit bois de palmiers d'Oum avant que Frey Pefbourg eût lancé les deux barques à sa poursuite. Lorsqu'il eut repris haleine et repoussé derrière ses oreilles ses longs cheveux noirs trempés de l'écume du fleuve, il se sentit plus à l'aise et plus calme. Cléopâtre avait quelque chose qui venait de lui. Un rapport existait entre eux maintenant. Cléopâtre pensait à lui, Meyamoun. Peut-être était-ce une pensée de courroux, mais au moins il était parvenu à faire naître en elle un mouvement quelconque, frayeur, colère ou pitié. Il lui avait fait sentir son existence. Il est vrai qu'il avait oublié de mettre son nom sur la bande de papyrus, mais qu'eût appris de plus à la reine, Meyamoun, fils de Mandushobj. Un monarque ou un esclave sont égaux devant elle. Une déesse ne s'abaisse pas plus en prenant pour amoureux un homme du peuple qu'un patricien ou un roi. De si haut l'on ne voit dans un homme que l'amour. Le mot qui lui pesait sur la poitrine comme le genou d'un colosse de bronze en était enfin sorti. Il avait traversé les airs. Il était parvenu jusqu'à la reine, pointe du triangle, sommet inaccessible. Dans ce cœur blasé, il avait mis une curiosité. progrès immense. Mais Yamoun ne se doutait pas d'avoir si bien réussi. Mais il était plus tranquille, car il s'était juré à lui-même, par la Bari mystique qui conduit les âmes dans la Menti, par les oiseaux sacrés, Bennu et Gegen, par Typhon et par Osiris, par tout ce que la mythologie égyptienne peut offrir de formidable, qu'il serait l'amant de Cléopâtre, ne fût-ce qu'un jour, ne fût-ce qu'une nuit, ne fût-ce qu'une heure, dût-il lui en coûter son corps et son âme. Expliquer comment lui était venu cet amour pour une femme qu'il n'avait vue que de loin et sur laquelle il osait à peine lever les yeux, lui qui ne les baissait pas devant les jaunes prunelles des lions, et comment cette petite graine tombée par hasard dans son âme y avait poussé si vite et jeté de si profondes racines, c'est un mystère que nous n'expliquerons pas. Nous avons dit là-haut, l'abîme l'appelait. Quand il fut bien sûr que Frey Pevbourg était rentré avec les rameurs, il se jeta une seconde fois dans le Nil et se dirigea de nouveau vers le palais de Cléopâtre dont la lampe brillait à travers un rideau de pourpre et semblait une étoile fardée. Léandre ne nageait pas vers la tour de Sestos avec plus de courage et de vigueur, et cependant Meyamoun n'était pas attendu par une héros prête à lui verser sur la tête des fioles de parfum pour chasser l'odeur de la mer et des âcres baisers de la tempête. Quelques bons coups de lance ou de harpe étaient tout ce qui pouvait lui arriver de mieux, et à vrai dire, ce n'était guère de cela qu'il avait peur. Il longea quelque temps la muraille du palais, dont les pieds de marbre baignaient dans le fleuve, et s'arrêta devant une ouverture submergée, par où l'eau s'engouffrait en tourbillonnant. Il plongea deux ou trois fois sans succès. Enfin, il fut plus heureux, rencontra le passage et disparut. Cette arcade était un canal voûté qui conduisait l'eau du Nil au bain de Cléopâtre.